étonnant, cet oiseau s'envole et quitte le sol d'un battement d'aile. Mais comment faire pour nous les larves, les hommes, les femmes, les visages flous mouillés de larmes. Et plus les pieds percent le bitume, s'enfonce des corps jusqu'à la gorge, lasse d'habitude, le poids du monde étouffe. Et toi, dis-moi, as-tu le souffle court, tu tombes sous l'effort, tu trembles, s'effacent les phares, la conquête du globe et les feux de la rampe. Tu marches pour vivre, tu marches pour rien, cloué au sol. On pousse dans des champs, larves notre état, le chant des larves qui ne met pas. Grandit dans le sol où seul on se débat, le chant des larves qui ne met pas. Vieillit dans la terre, statique sans éclat, le chant des larves qui ne met pas. Perce le cocon et la larve éclora. Devenir papillon, pris dans un faisceau lunaire, attiré par la lumière, vivre ces derniers instants, touché au Graal, se sentir être sans accès au grade. Nos prisons sont des cales mentaux, d'où ne filtre que des excès sans solution. Échapper de la cage, au barreau en or, tourner la page, à la barbe au nez de tous. Voyage dans le crâne aux mille accès, odyssée d'un des accès. Tu marches pour vivre, tu marches pour rien, cloué au sol. On pousse dans des champs, larves notre état, le chant des larves qui ne met pas. Grandit dans le sol où seul on se débat, le chant des larves qui ne met pas. Vieillit dans la terre, statique sans éclat, le chant des larves qui ne met pas. Perce le cocon et la larve éclora. C'est en observant les pas de tous sur le monde, loin de la réalité, j'ai vu les corps s'envoler, d'abord se détacher doucement comme pour s'évader. Flotte au-dessus de la sphère, sourire en coin, liberté jusqu'à demain. Loin d'un monde austère, loin de toute réalité, odyssée d'un désaccès, d'un désaccès. On pousse dans des champs, larves notre état, le chant des larves qui ne met pas. Grandit dans le sol où seul on se débat, le chant des larves qui ne met pas. Vieillit dans la terre, statique sans éclat, le chant des larves qui ne met pas. Perce le cocon et la larve éclora. On pousse dans des champs, larve notre état, le chant des larves qui ne met pas. Grandit dans le sol où seul on se débat, le chant des larves qui ne met pas. Vieillit dans la terre, statique sans éclat, le chant des larves qui ne met pas. Perce le cocon et la larve éclora.